Ils ont en effet vu fonder la boutique par les frères Deleuze, à l'époque où elle avait une taille modeste. Mais Mouret est devenu propriétaire du Bonheur des Dames en épousant Madame Veuve Hédouin, née Deleuze, laquelle décédera accidentellement lors d'une des visites des travaux d'extension du Bonheur des Dames.